Book 2 48 48 48 أنشطة العطلات Les activités de vacances Les activités de vacances هل الشاطئ نظيف؟ Est-ce que la plage est propre? Est-ce que la plage est propre? هل تمكن فيه السباحة؟ Est-ce qu'on peut se baigner là? Est-ce qu'on peut se baigner là? هل السباحة فيه غير خطرة؟ Est-ce que c'est dangereux de se baigner là? Est-ce que c'est dangereux de se baigner là? هل يمكن هنا استئجار مظلة شمسية؟ Est-ce qu'on peut louer un parasol ici? Est-ce qu'on peut louer un parasol ici? هل يمكن هنا استئجار كرسي بحر؟ Est-ce qu'on peut louer une chaise longue ici? Est-ce qu'on peut louer une chaise longue ici? هل يمكن هنا استئجار قارب؟ Est-ce qu'on peut louer un bateau ici? Est-ce qu'on peut louer un bateau ici? أحب أن أركب الموج. Je voudrais faire du surf. Je voudrais faire du surf. أحب أن أغطس. Je voudrais faire de la plongée. Je voudrais faire de la plongée. أحب أن أتزلج على الماء. Je voudrais faire du ski nautique. Je voudrais faire du ski nautique. هل يمكن استئجار زلاجات الموج؟ Est-ce qu'on peut louer une planche de surf? Est-ce qu'on peut louer une planche de surf? هل يمكن استئجار معدات غطس؟ Est-ce qu'on peut louer un équipement de plongée? Est-ce qu'on peut louer un équipement de plongée? هل يمكن استئجار زلاجات الماء؟ Est-ce qu'on peut louer des skis nautiques? Est-ce qu'on peut louer des skis nautiques? أنا مجرد مبتدئ. Je suis seulement un ou une débutant. Débutante. Je suis seulement une débutante. أنا في مستوى وسط. Je suis moyen ou je suis moyenne. Je suis moyenne. أستطيع التعامل مع ذلك جيدا. Je m'y connais déjà bien. Je m'y connais déjà bien. أين التلفريك؟ Où est le téléski؟ Où est le téléski؟ هل معك زلاجات سكي؟ As-tu amené les skis؟ As-tu amené les skis؟ هل معك حذاء سكي؟ As-tu amené les chaussures de ski؟ As-tu amené les chaussures de ski؟